franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Il s'agit sans doute de l'une des plus grandes supercheries de l'histoire du renseignement. Une supercherie qui a eu des conséquences considérables, rien moins que le déclenchement de l'invasion de l'Irak par la coalition internationale conduite par les États-Unis en 2003. Et donc, le déclenchement d'un conflit meurtrier qui a coûté des dizaines de milliers de vies. Au centre de cette affaire, il y a la question des ADM, ces armes de destruction massive censées être possédées par Saddam Hussein. Des armes chimiques, bactériologiques et même nucléaires qui auraient menacé l'Occident et ses alliés. D'où l'intervention états-unienne destinée à conjurer ce danger potentiel. Nous avons souvent évoqué ce thème avec M. X et mon interlocuteur m'a toujours dit que la pseudo-existence de ces ADM n'avait été qu'un prétexte pour envahir l'Irak et chasser Saddam Hussein du pouvoir. Une manipulation opérée par les faucons de la Maison-Blanche, ces néo-conservateurs appelés aussi de façon plus triviale les néo-cons. Mais on en sait aujourd'hui encore plus. L'essentiel de cette mystification reposait en effet sur le témoignage d'un mystérieux personnage, nom de code Curveball. Curveball, c'est une expression américaine utilisée par les joueurs et supporters de baseball et qui pourrait se traduire par « balle à effet ». Bref, une balle destinée à tromper l'adversaire. Passée dans l'argot, l'expression lancée à Curveball est donc synonyme de mystification. Et c'est l'arme utilisée par ceux que l'on appelle les escrocs ou renseignements. Des personnages qui peuvent causer de terribles dégâts si on ajoute foi à leurs déclarations mensongères. La preuve avec cet étonnant curveball et la suite avec Monsieur X. Alors, avant d'en venir à l'étrange histoire de ce curveball, il faut dire que la question des ADM irakiennes a été pendante de longues années. Et il y avait une réalité derrière, puisqu'on savait que Saddam Hussein avait massivement utilisé des armes chimiques lors de l'interminable guerre Irak-Iran. Dans les années 80, oui. Mmh. Et en 1988, le dictateur irakien a récidivé en employant à nouveau cette arme monstrueuse contre sa propre population. Ouais, les Kurdes d'Al-Abja. Hein. Entre autres, oui. Mmh. Un véritable génocide. Toutefois, il faut noter que lors de la première guerre du Golfe, en 1991, Saddam Hussein n'a pas fait usage de ses ADM contre les armées de la coalition. Mmh. Pourquoi il n'a pas osé? Certainement. S'il avait usé d'armes chimiques ou bactériologiques, il se serait exposé à de terribles représailles. Et notez bien que les quelques missiles qu'il a envoyés sur Israël étaient par exemple dépourvus de têtes chimiques. En tout cas, en 1991, quelques mois après la fin de la guerre du Golfe, à la suite d'un accord avec Bagdad, l'ONU envoie en Irak une commission d'inspection, l'UNSCOM. Mmh. Avec quelle mission exacte? Il s'agit de repérer les armes de destruction massive et ensuite de les détruire. Pour ce faire, l'UNSCOM a le droit d'inspecter tous les sites, d'ouvrir tous les dossiers et d'installer des appareils permanents de surveillance. Vous le savez bien, pendant 7 longues années, Irakiens et inspecteurs de l'ONU vont jouer au chat et à la souris. Oui, parce que les Irakiens vont multiplier les obstacles pour échapper à ces contrôles. C'est ça. Mmh. Et ils affirment, non sans raison, que ces inspections constituent une violation flagrante de leur indépendance nationale. Ils ont pourtant accepté le principe hein, de ces inspections. En 1991, défait, et ils n'avaient guère le choix. Et surtout, ils espéraient qu'en acceptant ces inspections, le régime des sanctions qui étranglaient leur pays serait finalement levé. Ouais, mais en multipliant les obstacles, ils n'ont fait que prolonger ces sanctions. C'est juste. Toutefois, il existait plusieurs autres raisons qui expliquaient la mauvaise volonté irakienne. La première est évidente. Bagdad soupçonnait l'UNSCOM de dissimuler une véritable opération d'espionnage. Une opération menée essentiellement par la CIA. Et qu'en était-il exactement hein? Remarquons d'abord qu'il y avait dans cette commission d'inspecteurs de l'ONU beaucoup de citoyens américains. Ouais, d'accord, mais étaient-ils pour autant des agents de la CIA? Les dés étaient biaisés dès le départ. Pour composer cette commission, il fallait faire appel à des experts, des spécialistes scientifiques, mais aussi des hommes rompus aux techniques de recherche du renseignement. Et où trouve-t-on ces types sinon dans les services secrets? Ouais, alors c'est donc presque naturellement que des agents de la CIA se sont glissés dans l'UNSCOM? Et vous le savez, puisqu'on en a déjà parlé, un membre démissionnaire de la commission d'inspection, Scott Ritter, a mangé le morceau. En 1998, il a affirmé que l'UNSCOM a permis aux États-Unis d'introduire des espions en Irak. Et puis après, d'ailleurs, si je me souviens bien, Washington a confirmé. C'est exact. D'autre part, les inspecteurs qui travaillaient dans des conditions difficiles à cause de l'hostilité permanente des Irakiens avaient besoin de moyens sophistiqués pour vérifier si on ne les menait pas en bateau. Des moyens d'écoute, par exemple? Oui, et où trouver ces systèmes perfectionnés, sinon dans les services secrets? Alors bon, c'est une dérive qui était pratiquement quasi inévitable. Ce qui ne veut pas dire que tous ces inspecteurs de l'UNSCOM étaient des espions. Nombre d'entre eux travaillaient réellement à découvrir les sites des armes secrètes de Saddam Hussein, puis à détruire celles-ci. Et après tout, s'ils ont bénéficié des précieuses informations fournies par leurs collègues espions, tant mieux. Mais au fond, quelle était la véritable finalité de ces manœuvres d'espionnage? Les Américains avaient remarqué que les communications utilisées par les militaires irakiens impliqués dans les industries d'armement... Vous voulez dire chargées éventuellement de dissimuler les ADM? Ou en tout cas de mettre des bâtons dans les roues des inspecteurs. Donc, ces communications utilisaient un code identique à celui qui était employé par les hommes chargés de la sécurité du président irakien. Ouais, alors, par conséquent, s'il était possible de casser ce code, on saurait tout sur la sécurité de Saddam Hussein. Et c'est ainsi que les agents de la CIA ont introduit en Irak, sous couvert de l'UNSCOM, des scanners très perfectionnés et d'autres appareils d'écoute très sophistiqués. Certains de ces appareils ayant été fournis dans le plus grand secret par les Israéliens. Et mais sont-ils parvenus à casser le code là? Oui, et c'est ainsi que les Américains ont pu avoir accès à des informations très précises sur l'Irak et ses services de sécurité. Mais les Irakiens, eux, savaient-ils qu'ils étaient espionnés? Certainement. La preuve, c'est qu'ils demanderont que des Américains ne fassent plus partie de l'UNSCOM, ce qui déterminera son chef à décider du départ de tous les inspecteurs. Autre raison, alors, qui expliquerait la mauvaise volonté irakienne? Elle est complètement paradoxale, mais si vous le voulez bien, j'y viendrai un peu plus tard, parce que ça explique pourquoi la mystification de Curveball a été aussi efficace. Si je comprends bien, là, une fois de plus, il ne faut pas sûreté. Vous y êtes dorénavant habitué, mon cher. Je peux simplement vous dire que Saddam Hussein s'est piégé lui-même. C'est vrai, c'est une thèse que vous avez déjà évoquée dans l'un de nos précédents entretiens. En 2005. Okay. Ouais. Mais à l'époque, je ne connaissais pas l'existence de Curveball. Alors, n'allons pas trop vite. Bien sûr. En 1998, je vous en prie, pour les raisons que je vous ai exposées, les inspecteurs de l'UNSCOM quittent l'Irak. Mais ils reviendront. Hein. Oui, enfin, beaucoup plus tard, en 2002. Parce que Saddam Hussein a compris qu'il ne fallait plus jouer avec le feu. Parce que la menace d'une intervention armée des États-Unis était de plus en plus évidente. Oui, mais il était déjà trop tard. Parce qu'entre-temps, il y a eu le 11 septembre 2001. Et aussi l'élection de George Bush Jr. Hein. Évidemment. Et avec lui sont arrivés au pouvoir des gens, les néo-conservateurs, qui voulaient absolument découdre avec Saddam Hussein. Oui, pour finir le travail que George Bush Sr. n'avait pas voulu achever. C'est-à-dire se débarrasser une fois pour toutes de Saddam Hussein. Ouais, et au passage, mettre la main sur les ressources en pétrole de l'Irak. Hein. Ça a compté, bien sûr. L'un des néo-cons les plus éminents, Dick Cheney, le vice-président états-unien, était très lié à l'industrie pétrolière. Ouais, la famille Bush aussi. Hein. Mais notez bien que déjà, grâce à l'accord pétrole contre nourriture imposé par l'ONU, C'était les sociétés américaines qui achetaient le pétrole irakien et contrôlaient sa production. Or, jusqu'à la guerre du Golfe, la première, ces sociétés n'avaient jamais eu accès au pétrole irakien dont l'exploitation était dans les mains d'acteurs non américains. C'est juste. C'est pourquoi, sous les deux présidences Clinton, Washington a privilégié le statu quo et n'a guère semblé pressé de s'en prendre directement à Saddam Hussein. D'autant que le dictateur irakien restait un épouvantail bien pratique. Ça obligeait les États du Golfe à s'abriter sous le parapluie américain. Ouais, mais attends, revenons quand même à la question des ADM, là. Quel est le sentiment qui prévaut avant que Bush Jr. n'arrive à la Maison-Blanche ? Dans le petit monde des experts et autres spécialistes militaires, le plus grand flou règne. Ouais, on ne sait pas. Ou on ne veut pas savoir. Une situation confuse, idéale pour que s'y glisse un escroc ou un renseignement comme Curveball. Rendez-vous avec X. Exemple de cette indécision qui existait avant la Deuxième Guerre du Golfe. David Kaye, qui dirigera pendant les mois qui ont suivi le conflit, les 1400 inspecteurs chargés de mettre la main sur les ADM de Saddam Hussein, déclare ceci dans une interview de 2004 au Figaro. Il y a sur ce point un niveau acceptable d'ambiguïté avec lequel nous devons vivre. Les armes qui existaient avant 1991 ont été en grande partie détruites sous la supervision des Nations Unies. C'est indéniable. Il y avait un chiffre noir sur les volumes d'anthrax et d'autres agents que nous avons pu expliquer grâce à des témoignages, des documents. Mais il existe très peu de preuves physiques, car cela remonte à plus d'une décennie. En fait, très vite, on va s'apercevoir qu'au sujet des ADM irakiennes, deux camps se dessinent parmi les experts et tous ceux qui ont leur mot à dire sur la question. Dans le premier camp se rangent les spécialistes qui estiment que l'Irak ne représente plus une menace parce qu'il ne possède plus d'ADM en quantité suffisante. Et il est intéressant d'y trouver un homme dont je vous ai parlé tout à l'heure, Scott Ritter. Oui, c'est cet Américain là qui a dirigé les missions d'inspection de l'ONU. Tout en se livrant à quelques missions d'espionnage. Eh bien, cet ancien marine estime que Saddam Hussein ne possède plus de stock important d'ADM. En tout cas, plus de stock menaçant. Oui, et on ne peut pas soupçonner ce Ritter là d'être un suppôt de Saddam Hussein. Bien sûr que non. D'autant plus que Ritter est un républicain convaincu et qu'il va voter pour Bush en novembre 2000. Ritter est bien placé pour savoir que des quantités considérables d'ADM, tant chimiques que biologiques, ont été détruites par les experts de l'ONU. Et cet ancien inspecteur de l'UNSCOM, proche de la CIA, a naturellement transmis son expertise à l'agence états-unienne. Mais les services de renseignement occidentaux en général, et la CIA en particulier, dispose aussi d'informations qui vont dans le même sens. Quoi ? Ben, il faut d'abord parler d'un chercheur irakien qui s'est exilé, le docteur Khidir Hamza. Qui est celui-là ? Cet ingénieur nucléaire qui a déserté l'Irak au milieu des années 90 et est venu s'installer aux États-Unis avec l'aide du CNI, une organisation d'opposants à Saddam Hussein dont nous reparlerons. Dès son arrivée, les services états-uniens, mais aussi les experts de l'ONU, se sont intéressés à lui. Et c'est d'ailleurs avec un ancien inspecteur de l'ONU qu'il a publié un livre sur l'Irak et la bombe atomique. Et que racontait-il dans ce livre ? Hamza recensait toutes les raisons qui expliquaient pourquoi son pays n'avait pu se doter de l'arme nucléaire. Mais cet ouvrage a intéressé très peu de monde. Et pourquoi alors ? Parce que ce n'était pas ce qu'on voulait entendre. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de révélation fracassante. Voilà. Si Hamza avait au contraire affirmé que l'Irak était à deux doigts de posséder la bombe, son livre aurait connu un autre retentissement. Aussi, le chercheur a-t-il décidé de publier un second ouvrage. Ah, plus sexy. Mais aussi beaucoup plus imaginatif. Ainsi a-t-il expliqué que l'Irak avait été tout près de produire sa première bombe et que Saddam Hussein n'avait nullement renoncé à la construire. Et là, immédiatement, les faucons états-uniens se sont précipités sur lui. Parce que c'était une preuve de la dangerosité de Saddam Hussein. Bien sûr. Mais attendez, pouvait-on faire confiance à un individu capable de changer aussi rapidement d'avis ? Quand on veut noyer son chien, on l'accuse d'avoir la rage, c'est bien connu. Or, ce que racontait Hamza, C'était pain béni pour les néoconservateurs qui, dès le début de la présidence de Bush Junior, avaient décidé que leur cible prioritaire serait Saddam Hussein. Ouais, avant même Ben Laden. Exactement. Ouais. Mais fondamentalement, ce chercheur était-il crédible ? Non. La meilleure preuve, c'est ce qui s'est passé lors de son retour en Irak après la guerre. D'abord chargé par les autorités provisoires des affaires nucléaires, il a été rapidement remercié pour incompétence. Alors ces pseudo-révélations étaient donc bidons. Et ce qui est remarquable, c'est que le parcours de Kider Hamza ressemble beaucoup à celui de Curveball, même si Hamza était incontestablement moins malin que Curveball. Est-ce votre mystérieux Curveball là, dont vous ne m'avez toujours rien dit, hein ? Chaque chose en son temps. Pourtant, dans les services de renseignement, on avait de bonnes raisons d'être beaucoup plus circonspects. Et ici, je voudrais vous parler de deux hommes, deux dignitaires du régime irakien qui ont fait défection au milieu des années 90. Ah oui, je vois qui c'est les gendres de Saddam Hussein. Oui, les frères Kassel. Après leur désertion, ils se réfugient en Jordanie. L'un d'eux, Hussein, est le responsable des programmes de développement des ADR. Ouais, tout simplement. Ouais. Et celui-là, si je puis dire, n'est pas venu tout seul. Il est sorti d'Irak avec une masse de documents. Sur ses programmes. Bien entendu. Ouais. L'affaire est d'importance. Des agents états-uniens et également des inspecteurs de l'ONU se déplacent pour interroger les deux transfuges et examiner leurs documents. Mais, étrangement, les uns et les autres ne vont pas en tirer les mêmes conclusions. Expliquez alors. Les Américains considèrent que si ces précieux documents ont échappé aux recherches des inspecteurs de l'ONU, ça constitue une nouvelle démonstration de l'inefficacité de ces derniers. Mais plus intéressant encore, pour Washington, il y a dans ces papiers la preuve formelle que Saddam Hussein a ordonné la fabrication de plus de 30 tonnes de bacilles du charbon. Ouais, d'accord, mais pourquoi du côté des inspecteurs de l'ONU se livre-t-on à une interprétation différente ? Parce que ces fonctionnaires internationaux tiennent aussi compte d'une curieuse déclaration des frères Kassel. Ils affirment que leur beau-père a donné l'ordre de détruire le maximum d'armes chimiques et biologiques. Ouais, d'accord, mais quand ? Ces destructions ont eu lieu avant l'arrivée en Irak des inspecteurs de l'ONU, et même parfois avant la première guerre du Golfe. Donc avant 1991. Mmh. Mais les Kassel apportent-ils des preuves ? Sur ces destructions ? Non. Et parenthèse, vous savez ce qu'ils sont devenus ? Ah oui, ils sont venus en Irak, je crois. Oui, Saddam Hussein leur a en effet promis sa clémence. Et les deux frères ont commis l'erreur de le croire. Ouais, dès qu'ils sont rentrés en Irak, ils ont été assassinés. En dépit du fait qu'ils étaient les époux de deux filles du Reis. Ouais. Et maintenant, alors après tant d'années, pensez-vous que les frères Kassel ont dit la vérité ? J'en suis persuadé. Parce que leur témoignage a été corroboré beaucoup plus tard par un autre tout aussi essentiel. De quoi s'agit-il alors ? Ce dernier témoignage émane d'un physicien irakien qui a fui son pays aussitôt après la chute de Bagdad en 2003 pour se réfugier dans les Émirats Arabes Unis. Cet homme, Jafar, avait dirigé le programme nucléaire irakien dans les années 80. Et son frère était le directeur d'une grosse compagnie d'énergie. Des gens sérieux donc, hein, et tous deux devaient savoir beaucoup de choses. Jafar en effet fait des déclarations surprenantes. Quoi par exemple ? Je résume ce qu'a déclaré ce Jafar aux agents américains et britanniques qui sont allés l'interroger. Confirmant en partie ce qu'avaient déjà dit les frères Kassel, il a révélé aussi qu'au lendemain de la première guerre du Golfe, Saddam Hussein avait ordonné aux chefs militaires de ne rien cacher aux inspecteurs de l'ONU. Ouais, la transparence, et pourtant il y a eu quelques accrochages. C'était inévitable, question d'orgueil national. Et même des refus d'autoriser les inspecteurs à entrer dans certains bâtiments. Essentiellement les palais présidentiels. Saddam Hussein aurait très mal supporté ces visites intempestives. Vous utilisez le conditionnel. À dessein, parce qu'en réalité, Saddam Hussein jouait, ou plutôt il bluffait, une partie très dangereuse, car la partie pouvait se retourner à tout moment contre lui. Thank you. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Début d'une explication avec ce paragraphe assez énigmatique que j'ai trouvé dans le récent livre de l'ancien agent français Claude Moniquet dans son ouvrage « Guerre secrète ». Après le départ des inspecteurs en décembre 1998, Saddam Hussein pensait avoir remporté une victoire et assuré sa survie. Mais c'était exactement le contraire. Les capacités de recueil de renseignements des grandes centrales occidentales à l'intérieur des frontières irakiennes étaient inexistantes et les inspections de l'ONU constituaient en définitive l'unique moyen de vérifier et éventuellement de contredire les informations parcellaires et plus ou moins douteuses qui pouvaient être récoltées ailleurs. Alors comment expliquer l'attitude de Saddam Hussein, là, tantôt conciliant, tantôt intraitable ? Surtout dès qu'il s'agissait de percer le secret de ses palais présidentiels. Ça signifiait qu'il avait toujours des choses à cacher. Naturellement. C'est la première idée qui vient à l'esprit. Les souterrains de ces mystérieux palais auxquels aucun étranger n'avait accès auraient pu abriter des installations clandestines. Ouais, de production d'armes chimiques ou bactériologiques. Par exemple. Ouais. Et peut-on imaginer que pendant les 4 ans, là, de 1998 à 2002, où Saddam Hussein a refusé la visite des inspecteurs de l'ONU, le dictateur aurait pu à nouveau fabriquer des ADM. Certains, et parmi les moins bien disposés à l'égard de Saddam Hussein, n'ont pas hésité à l'affirmer. Et votre avis, alors ? Je n'y crois pas. Parce qu'on ne fabrique pas ses armes dans une cuisine, sur un coin de paillasse. Il faut des matériels sophistiqués et beaucoup de produits chimiques. Or, n'oubliez pas, l'Irak était soumis à un embargo sévère. Toute importation suspecte aurait été vite détectée. Alors, conclusion ? Je suis d'accord avec vous. Incontestablement, Saddam Hussein faisait des cachotteries. Oui, mais alors, pourquoi ? Première certitude. Dans les comptes des experts de l'UNSCOM, il y avait un trou. C'est-à-dire ? D'après les décomptes effectués, il manquait à l'appel des milliers d'ogives chimiques. Des armes produites par l'Irak, mais qu'on ne trouvait pas. C'est ça. Et qui auraient donc pu être dissimulées dans ces palais. Mais il n'en était rien. On s'en apercevra lorsque les inspecteurs seront à nouveau autorisés à revenir en Irak. Alors, qu'étaient devenues ces ADM ? Eh bien, elles avaient été utilisées. Mais oui, d'accord, mais quand ? Au cours de la guerre Iran-Irak, les armées irakiennes avaient fait un usage massif des armes chimiques, beaucoup plus que Saddam Hussein n'avait bien voulu le reconnaître. Mais il ne pouvait pas l'avouer parce que c'était autant de crimes de guerre. Cependant, derrière cet énorme mensonge, il y avait autre chose. Saddam Hussein ne pouvait pas admettre qu'il était désormais un roi nu. Un roi nu, ça mérite une sérieuse explication, ça. Censé toujours posséder des armes de destruction massive, le dictateur irakien demeurait puissant et pouvait inspirer la peur à ses voisins, bien sûr, mais aussi à sa propre population et à tous les officiers félons susceptibles de comploter contre lui. Ouais, et s'il cessait de faire peur, il devenait vulnérable. C'est la vérité. Il est donc tombé dans un piège qu'il s'est lui-même tendu. Et s'est enfermé dans ses propres mensonges. C'est ainsi qu'il a alimenté, malgré lui, la campagne engagée contre lui par les faucons de Washington. Bon, je ne vais pas y revenir en détail, car c'est une question que nous avons déjà évoquée longuement. Mais je peux vous le dire aujourd'hui, au cœur de ce dispositif, le mystérieux curveball a été une pièce de première importance. Un véritable coucou est l'arme secrète de l'OSP, en français le Bureau des plans spéciaux. Rappelez-moi quand même là, l'OSP. L'OSP a été créé au lendemain du 11 septembre. Cet organisme excessivement discret était chargé d'informer directement le président. Et bien vite, il va court-circuiter la CIA et les autres services de renseignement des États-Unis. C'est donc une officine parallèle. Oui, mais très influente. Et cette cellule va cultiver la politique du secret, à tel point qu'entre eux, ses membres ne la nommeront que la cabale. La cabale. Et qui sont ces individus, là ? Ce sont tous des néo-conservateurs, des gens comme Paul Wolfowitz ou Douglas Feth. Et naturellement, ils marchent de conserve avec le vice-président Dick Cheney et le secrétaire d'État à la Défense, Donald Rumsfeld. Mais pourquoi court-circuiter les agences de renseignement ? Parce que les durs de la Maison-Blanche ne leur faisaient pas confiance. En fait, ces agences étaient surtout coupables de ne pas fournir les renseignements qu'on attendait d'elles. Soyez plus précis, là. Ce que voulaient obtenir les néoconservateurs qui cornaquaient l'OSP, c'était d'abord des preuves de l'existence des armes de destruction massive en Irak, mais aussi qu'il existait des liens entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. Or, comme la CIA était dans l'impossibilité d'apporter ses preuves, c'est qu'elle était forcément incapable. Ouais, parce que ces néoconservateurs, eux, étaient persuadés que Saddam Hussein détenait toujours des ADN. Absolument. Ça ne se discutait même pas. C'était un credo. Et tous ceux qui n'en étaient pas convaincus étaient des traîtres. Ouais. Oui, mais attendez, là, c'était la méthode Coué, hein, ou bien ces faucons se livraient-ils sciemment à une manœuvre d'intoxication? Oh, il y avait certainement dans ce petit groupe quelques fanatiques qui étaient persuadés que Saddam Hussein était une nouvelle incarnation de Satan. Mais les autres, je pense à des hommes comme Rumsfeld ou Wolfowitz, savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et comme les preuves n'arrivaient pas, eh bien, ils allaient les fabriquer. C'est aussi simple que ça. Ouais, d'accord, mais comment alors? Grâce à votre fameux curveball, là? Bien sûr. Et si vous le voulez bien, j'y consacrerai notre prochain entretien, car il ne reste plus guère de temps. Mais l'OSP va d'abord se servir des renseignements fournis par les exilés et transfuges irakiens. De vrais renseignements? Ah, ça, c'est autre chose. Surtout quand on sait que la plupart de ces informations, ou pseudo-informations, vont être délivrés par des proches du Congrès national irakien d'Ahmed Chalabi. Oui, le CNI, hein, vous en avez parlé tout à l'heure. Chalabi lui-même, un personnage plutôt douteux. Hein. Et qui n'a eu de cesse d'intoxiquer les Américains en leur affirmant qu'un rien suffirait à ébranler le pouvoir de Saddam Hussein. Saddam qui ne disposerait, selon lui, d'aucun soutien populaire. En fait, ce qu'il voulait, lui, Chalabi, là, c'est revenir en Irak dans les fourgons de l'armée états-unienne. Et aussi, bien sûr, rafler le maximum de subsides de la part des autorités états-uniennes. Chalabi a ainsi reçu des dizaines de millions de dollars. Mais l'essentiel n'est pas là. Les tuyaux fournis par cet opposant vont permettre à l'OSP de composer un dossier relativement consistant, même si les vrais professionnels du renseignement vont le juger très contestable, et même complètement mensonger. Parce que ces exilés irakiens ne poursuivent qu'un objectif, faire en sorte que les États-Unis interviennent militairement dans leur pays. Mais quitte à mentir, non? Sans vergogne. En tout cas, l'OSP va réussir à mettre hors jeu les grandes agences de renseignement états-uniennes et même à décourager leurs agents les plus lucides. Car cette petite cellule conspirative, grâce aux prétendues révélations fournies par les transfuges irakiens, ne cesse d'enrichir son dossier. Point d'orgue. La révélation que Saddam Hussein, pour tromper les inspecteurs de l'ONU, a mis au point des laboratoires bactériologiques et chimiques mobiles. Et ça, c'est le grand coup d'éclat de Curveball, son chef-d'œuvre en somme. À samedi prochain, donc, pour en savoir enfin un peu plus sur cet énigmatique personnage. Sur franceinter.fr, vous pourrez réécouter cette émission et nous écrire, mais vous pouvez aussi le faire encore plus directement sur mon adresse personnelle patrick.peno@radiofrance.com. Rebecca de Nantes a préparé cette émission. Merci aussi à Michel Biou qui l'a réalisée et Monsieur Djoub qui lui a donné quelques couleurs. Tout de suite après le flash, CO2, mon amour, de Denis Chessou.